LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. 3, 2, 1, see ya! L'extrême, c'est quand c'est plus que ce qu'on a appris à faire. Donc quelque chose de nouveau qu'on doit découvrir. Ce qui fait que l'extrême, c'est pas du tout le même niveau pour chacun et le même domaine pour chacun. Donc ce sont des sports, mais qui sont justement poussés à l'extrême pour avoir des émotions fortes. Et on y va, mon petit chat! Pour certains, ce sera un saut à l'élastique. Pour moi, l'extrême, ce serait déjà de me retrouver à 3 mètres dans une paroi de varap. Pour d'autres, ce sera un saut en trampoline. Alors que pour un alpiniste qui monte à main nue sans avoir besoin de cordes et qui gambade sur des falaises, l'extrême, ce serait peut-être de faire un vol en ballon. Et pour d'autres, des régates en solitaire. Ou de plonger en scaphandre ou de voler dans un avion solaire. Vraiment, c'est totalement individuel, l'extrême. Alors, à l'extrême de quoi? Eh bien, à la limite du danger, finalement. Donc, on pourrait dire que ce sont des sports à la limite du raisonnable. On n'a pas le droit de tomber. Parce qu'on sait qu'on a un risque évident de mort ou de graves blessures. Bon, extrême, oui, on risque sa vie. C'est une chose qu'on n'a pas dans d'autres disciplines. L'alpiniste, il est seul à risquer sa vie. Il est seul. L'extrême, c'est quand c'est plus que ce qu'on a appris à faire. C'est quand c'est plus que ce qu'on a appris à faire. Plus que ce qu'on a appris à faire. Rêver d'extrême et d'aventure. Jérôme Sandelaars, Yvon Croisier. Steph Stevenhart, alors là on se retrouve chez vous, dans votre petite maison qui est perchée sur la falaise, à Vimereux. Donc Vimereux, c'est une petite ville qui est à mi-chemin entre Boulogne-sur-Mer et Calais. On est dans votre salle à manger, face à nous des grandes baies vitrées, et au bout on aperçoit la Manche. Oui, alors il faut savoir que la traversée de la Manche, elle est chargée d'histoire, une traversée qui a commencé en 1875. Donc, dès que je peux trouver sur Internet ou dans les brocantes des vieilles coupures de presse qui relatent un peu les traversées de l'époque, parce que ça me fascine. Pour la petite histoire, quand Gertrude Ederle a réussi la traversée de la Manche, la première femme, lors de son retour à New York, elle a été accueillie comme un président. Il y avait des millions de personnes dans les rues. C'est très émouvant de voir ces images de l'époque. Donc, on est en 1926. Moi, je suis fasciné à lire ces récits parce que quand on regarde un peu les anecdotes, le ravitaillement qui était distribué par l'entraîneur dans la chaloupe, il y avait du rhum à l'intérieur. Donc voilà, c'est plein de... Et puis bon, il n'y avait pas l'instrumentation qu'on a aujourd'hui en termes de météo, enfin voilà. Steph Stevenhart, la traversée de la Manche, c'est un petit peu l'Everest, non, pour les nageurs? C'est oui, comme ça qu'on la surnomme? On l'appelle l'Everest de la natation. Parce que même encore au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, malgré les outils de météo, on a encore des grosses surprises. Alors, vous êtes féru de sport depuis votre plus jeune âge. Vous avez été marathonien, ex-champion du monde de jet ski, pilote de rallye sur glace. Votre grand-père était lui-même un grand cycliste. Vos frères pratiquent aussi le sport à haut niveau. Votre père était lui-même faisait aussi du rallye, c'est ça? Et puis, il y a 5 ans... vous vous êtes lancé dans un pari un peu fou, qui est celui de la nage extrême, alors que rien ne vous prédisposait à nager. Comment il est né, ce rêve? Mon grand-père habitait en Sangatte, donc pas très loin du Cap Griné, là où étaient donnés les départs à la traversée de la Manche. Donc, en souvenir dans les yeux d'un enfant, quand mon grand-père m'a emmené la première fois voir un départ de traversée de la Manche, donc j'avais 7 ans, Et c'était pour moi assez hallucinant, parce que quand j'ai compris qu'en fait il s'enduisait de graisse pour partir de l'autre côté en Angleterre, ça a été, enfin ça c'est toujours resté dans ma tête en fait. Je me dis mais c'est quand même hallucinant, fascinant. Donc en fait ce rêve il est toujours été en moi finalement. Et puis à la suite d'une séparation assez douloureuse avec mon ex-femme, financièrement, enfin voilà, professionnellement, et puis loin de mes enfants, ça a été très dur à gérer. Et donc je me suis un peu enfoncé, laissé aller, et jusqu'au point de plus rien avoir réellement pour survivre, si je puis dire. Donc j'ai dormi un peu plus d'un an dans un hangar avec vraiment le strict minimum. Donc il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau chaude. Enfin voilà, on se lavait avec l'eau du robinet. Enfin voilà, c'était un moment très difficile. Et voyant que je descendais de plus en plus bas de jour en jour et de mois en mois, je me dis il faut impérativement que tu te réveilles et que tu t'accroches à quelque chose qui va de sortir de là. Et en moi-même, je me dis, bon, c'est qu'est-ce qui te ferait vraiment vibrer aujourd'hui, la dernière chose que tu peux faire ici, c'est quoi ton rêve? Bah, mon rêve, c'est de traverser la Manche, mais bon. Et c'est là où je me suis dit, écoute, ça va être le défi de ta vie. Accroche-toi à ça, et moi, je pars réellement d'une feuille blanche, parce que il faut savoir, c'est que la nage en eau libre, la nage extrême, ça n'a rien à voir avec la nage en piscine. C'est vraiment deux sports complètement différents. Donc, je me suis dit, voilà, si je veux réussir, il faut que j'aille en Angleterre, parce que c'est leur sport national, c'est vraiment dans leur culture. Et donc, je suis allé là-bas, une première journée, dans le port de Douvres. Et là, il y avait 200 nageurs, des gens qui préparaient la traversée de la Manche. Et là, je suis rentré dans un univers incroyable. J'ai rencontré Kevin Murphy, qui est mon entraîneur aujourd'hui, qui est vraiment une légende, la légende du Channel, hein, de la traversée de la Manche, parce qu'il a traversé 34 fois la Manche. Il vous a pris au sérieux ? Alors oui, parce que je pense qu'il a vu, enfin je, pas que je pense, c'est qu'il a vu cette détresse en fait, et cette volonté dans mes yeux en fait. Donc il a compris tout ça, et il m'a dit écoute, je vais t'aider, mais il faut pour ça que tu mettes beaucoup, il y a beaucoup de travail. C'est 3 ans, une année pour apprendre, une année pour comprendre, une année pour gagner. Isabelle Autissier, vous êtes née en région parisienne et toute petite, vous allez vous passionner pour la mer. Comment il est né ce rêve de grand large ? Oh, il naît très simplement d'une petite fille qui va en vacances en Bretagne et papa, maman qui ont un petit dériveur en bois à l'époque et qui emmène les gamines sur l'eau, quoi. Ça me passionne, Et donc très très vite, je vais me dire, mon histoire c'est ça, c'est quelque part sur l'eau. Et ça s'explique pas. Et j'ai pas envie d'essayer d'expliquer. Le premier petit bateau sur lequel vous allez monter, vous vous en souvenez ? Ah, je m'en souviens très bien. C'était un Vaurien peint en bleu, numéro 9460. Donc les Vauriens, c'était des petits dériveurs en bois. Et tout l'hiver, à Paris, dans le garage, on le ponçait, on le vernissait, on le peignait pour qu'il soit nickel. Et après, voilà, c'était... moi, j'allais en vacances dans un petit village qui s'appelle Lancieux, qui est très bien parce que c'est une baie assez fermée par des îles. Donc les îles, c'était merveilleux, c'était l'aventure, c'était... voilà. Et en même temps, c'était un plan d'eau relativement sécurisé. Quand j'avais 13-14 ans, par exemple, je prenais le bateau toute seule. Et puis, j'étais encore d'une génération où on n'avait pas peur que les enfants... tombe du haut du mur, voilà, se fasse mal, etc., etc. Donc on me laissait partir toute seule toute la journée, quoi. J'étais la reine de la piste, quoi. Mais ouais, très tôt, je me dis, professionnellement et pour ma vie, ça va tourner autour de la mer. Et donc, moi, je lis, en particulier, il y a 2 grandes aventures qui vont beaucoup m'inspirer. Bien sûr, moi, Tessier. Bernard Moitessier, avec ses tours du monde, avec les bateaux qu'il fabrique dans un coin, etc. Et puis, toute une sorte de saga qui est l'histoire d'un petit bateau qui s'appelle Damien, un petit bateau en bois de 10 mètres, sur lequel 2 jeunes gens, Gérard Janichon et Jérôme Poncet, vont partir pour 5 ans d'aventure absolument incroyable pour l'époque. Ils vont remonter l'Amazone, ils vont aller à Cap Horn, ils vont aller en Antarctique. Et dans les 2 cas... ce qui me séduit en plus de leurs aventures et de l'histoire, de la façon dont ils le racontent, c'est que dans les 2 cas, c'est les gens qui partent de rien. Ils n'ont pas d'argent, ils ont une sorte de volonté farouche de cette liberté, de la mer, de toutes ces émotions, Et donc, du coup, je me dis, mais au fond, c'est accessible. Si eux, ils l'ont fait, pourquoi moi, je le ferais pas, quoi? Justement, je vous ai demandé si vous pouviez me choisir un petit extrait de Damien. Ça tombe bien, vous l'avez entre les mains. Est-ce que vous pourriez nous alors, un tout petit lire morceau, quand évidemment, quand ils arrivent au Cap Horn, qui est quand même l'Everest des marins. Le Horn, il est à personne. Il est qu'à nous, à nous du Damien. J'ai pas envie de le raconter. J'ai envie de parler d'autre chose, de la mer bien sûr, des nuages et du vent, et aussi de la forêt, de la neige ou des oiseaux de terre, ou de mon enfance. À l'école, on m'apprenait que 2 et 2 font 4. On ne m'apprenait ni à être heureux, ni à aimer le soleil avant la pluie, et le soleil après la pluie. On ne m'a pas appris à aimer la mer, mais ça ne fait rien, parce que je faisais l'école buissonnière, et qu'on apprend ces choses-là tout seul. On ne pourrait de toute façon pas enseigner la chanson de l'eau du Cap Horn contre l'étrave de Damien. Voilà, tout est dit, puisqu'il y a l'émotion, il y a ce bonheur, il y a cette philosophie de la vie, le fait qu'il faut suivre son chemin, il faut suivre sa trace, même si on fait un peu l'école buissonnière, et que finalement, ce qui est important, c'est la chanson de l'eau contre la coque. Bertrand Piccard, alors vous êtes psychiatre de formation, vous êtes à la tête d'une fondation qui s'appelle Solar Impulse, qui porte d'ailleurs le nom de l'avion solaire qui vous a permis de faire le tour du monde. Absolument, Solar Impulse, au début c'était l'avion solaire du premier tour du monde sans carburant. Maintenant c'est ma fondation qui cherche, sélectionne, labellise et promeut des solutions techniques qui protègent l'environnement, mais de façon financièrement rentable. Ce qui est une autre grande aventure. Vous êtes issu, on pourrait dire, d'une dynastie d'explorateurs. C'est vrai que c'est là-dedans que j'ai grandi, avec le grand-père qui était le premier homme dans la stratosphère, qui a inventé la cabine pressurisée, qui, pour la petite histoire, a inspiré à Hergé le professeur Tournesol. Et puis mon père qui a pris le relais de mon grand-père dans la plongée, parce qu'ils ont construit le premier bathyscaphe ensemble. Ensuite, mon père a fait la plongée dans la fosse des Mariannes, à 11 km de profondeur. Et tous les deux avec comme but de protéger l'environnement. Donc, j'ai grandi dans ce monde de l'exploration, mais aussi de l'écologie. Et moi, qui regardais tout ça comme enfant, en me disant que j'avais aussi envie d'être un grand explorateur, alors que j'avais peur de monter dans un arbre, parce que j'avais le vertige, et que, après avoir vu Apollo 11 décoller, j'étais invité sur place à Cap Kennedy avec mes parents, j'ai vu Armstrong décoller, marcher sur la Lune, et je me suis dit, tout est accompli, on ne peut plus être explorateur. J'étais très déprimé. Et à 16 ans, j'ai vu voler une des premières ailes Delta qui était en Suisse. C'était en 1974. Puis je me suis dit, ça c'est pour moi. J'ai envie d'explorer des nouvelles choses, ça c'est nouveau, j'y vais. En plus, j'ai le vertige, donc c'est une magnifique manière de me soigner. J'ai été totalement passionné par l'aile Delta. Ma mère me cherchait à l'école et avant d'aller faire mes leçons, mes devoirs, j'allais vite faire un saut en Delta au-dessus du lac Léman au coucher du soleil. Ça m'a amené au vol acrobatique, ça m'a amené à l'ULM et ça m'a amené à cette prise de conscience de l'importance de l'instant présent si on veut gérer sa vie, si on veut gérer ses émotions, si on veut gérer ses peurs. Pour moi, c'était absolument fascinant de me dire que si j'étais obligé d'être performant, ben j'arrivais à l'être. J'avais plus de peur, j'avais plus de vertige au moment où j'étais conscient de moi-même, dans mon corps, dans l'instant présent. Et un programme de vol acrobatique en aile Delta, c'était 1 minute et demie, avec des loopings, des vrilles, des renversements, des tonneaux barriqués, etc. C'était 1 minute et demie. Mais à la fin de la journée, je me rappelais que de 7 minutes et demie. Tout le reste, c'était dilué. J'aimerais bien qu'on remonte ensemble un peu le fil de votre passion, Géraldine Fasnacht. Mmh. Ça commence par quoi, le rêve de glisse et de vol quand on est une petite fille qui naît à Lausanne en 1980 et puis qui vient vivre ici en station à 1500 mètres d'altitude, donc à Verbier en Suisse? J'avais des parents, autant l'un que l'autre, passionnés de ski. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents comme ça, qui avait toujours des nouvelles idées, qui était très sportif, qui était pas seulement skieur, il s'arrêtait jamais, ils m'ont fait découvrir tous les sports qu'on peut essayer, je les ai essayés. La danse? Ouais, la danse. J'ai quand même essayé la danse. mais une fois. Voilà. Fallait essayer pour pouvoir dire que j'aimais pas. Donc voilà, j'ai pu dire que j'aimais pas ça. Et la bascule, Géraldine Fasnacht, vers la wingsuit et le base jump, comment ça va s'opérer? C'était à l'époque où je travaillais à l'aéroport de Genève et je me disais, mais entre le travail, le snowboard l'hiver, l'été, il faut que je trouve un sport d'été qui me permette de m'entraîner puis de rester à haut niveau pour rattaquer les compétitions l'hiver en snowboard. J'avais envie de trouver un sport qui me fasse autant plaisir que le snowboard à la descente, qui me permette de monter sur des sommets magnifiques, puis avoir cette connexion avec un élément comme la neige. On a l'impression de voler sur la neige quand on fait du freeride. Puis tout d'un coup, je suis tombée sur des images de base jump et je me suis dit, ouais, ben c'est ça que je veux faire. Je peux monter sur des belles montagnes et puis je vole à la descente et puis ça c'est trop beau. Puis à côté de l'aéroport de Genève, il y avait un petit aéroport Annemasse qui avait une école de parachutisme. Et puis je me suis dit, ben, je vais commencer à mettre des sous de côté pour faire ma licence. Ce qui m'a pris plus de 2 ans et demi, plus de 300 sauts de parachutisme avant de faire mon premier saut en base jump. Vous êtes une drôle de fille, je peux dire ça? Pourquoi? Parce que c'est pas donné à toutes les filles de faire ce que vous faites. Oui, c'est un monde de garçons. Après, maintenant, il y a de plus en plus de filles qui s'autorisent à venir dans ce monde-là et je pense qu'elles ont leur place pour de vrai. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, déjà à l'école, j'ai toujours préféré faire du BMX et du skateboard que de jouer à la poupée ou faire de l'élastique avec mes copines. D'ailleurs, j'avais très peu de copines. J'avais vraiment que des copains avec qui j'allais tout le temps rider. Et puis mon rêve, c'était d'un jour faire l'extrême de Verbier, d'être avec les stars que j'avais en poster dans ma chambre au sommet du Bec des Rosses et puis d'avoir le niveau un jour de descendre le Bec des Rosses avec eux. Vous êtes très féminine, hein. Vous êtes à la fois un garçon manqué et en même temps je regarde vos ongles. Mm-hmm. Vous avez du vernis à ongles rouge-orangé. Et aussi sur les pieds. Enek Gavaggio, alors vous avez 45 ans et vous avez touché à peu près à tout ce qui glisse et qui va vite, le ski alpin, le ski cross, le freeride, le base jump, le surf des mers, et vous avez même aussi concouru au JO de Vancouver en ski cross. J'aimerais vous décrire pour commencer. Alors, vous avez une casquette rouge et noire, des moustaches, on pourrait dire à la Napoléon III, et un surnom, c'est Rancho, parce que vous mettez sur la toile des vidéos sous votre pseudonyme. D'où il vous vient ce pseudo de Rancho? Oh, alors, depuis gamin, je me suis donné des noms, et dans ma carrière de sportif, j'en ai eu plusieurs. Au début, c'était Tétard, parce que, référence au film de Marco et Jeunet, où je faisais pas trop la fête et je me couchais plutôt tôt. Ensuite, on m'a appelé le Dark Lord, ça c'était toutes les années ski cross, où j'étais plutôt un castagneur et j'ai eu des altercations avec la FIS, donc la Fédération Internationale de Ski, et des bastons dans les aires d'arrivée des fameux X Games. Et ensuite Rancho, donc ça c'est un personnage que j'incarne dans une série qui se veut drôle décalé pour aborder un petit peu tout le milieu du ski. Si on devait essayer de faire passer des images, ça correspond à quoi une course en freeride? Donc on imagine une montagne vierge, pas de pisteur, il n'y a pas eu de déclenchement avant, la nature elle est vierge, elle est brute. Et là on y va, donc il y a des sauts de barre, et puis là il y a tout ce qui va autour. Donc c'est le risque de l'avalanche, c'est une réception d'une barre rocheuse sous un caillou caché. C'est aussi des petits trucs qu'on a dans la tête, par exemple faire un run en freeride dans sa station. C'est pas très grave dans le sens où on a l'hôpital qui est à 5 minutes, mais quand on est au Kamchatka ou en Alaska et qu'on sait que le premier hôpital est à 7 ou 8 heures, tout change. Là on est dans un truc qui est déjà un petit peu plus engagé. Comment vous appréhendez l'extrême, vous? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot d'extrême, Rancho? Alors l'extrême, c'est, en tout cas les sports extrêmes, c'est vraiment compliqué à définir. Et je trouve qu'aujourd'hui, les vrais sports extrêmes sont tous les navigateurs en solitaire, mais pas avec les bateaux qui coûtent 10 millions d'euros, hein, ceux qui partent à l'aventure avec des petites barques, et les alpinistes, qui partent aussi sans tout le matos, GPS et compagnie. Eux, c'est des vrais aventuriers aussi. Après, le reste, ça se différencie entre deux familles. les activités longues. Donc effectivement, faire une immense paroi sur une semaine, gravir un sommet incroyable. En solitaire, hein, là on ne parle pas des Sherpas qui portent tout déjà pour aller jusqu'au camp de base. Eux, c'est des mutants. Et après, tu as les sports extrêmes, par exemple le base jump ou le freeride, où ça, c'est encore un peu différent parce que l'espace-temps est très court. Un saut en base jump est très court, un run en freeride est très court. Et donc, la concentration sur l'action est très courte et donc demande forcément, à mon sens, hein, moins de capacité. Donc moi, je me classifie plutôt dans les petits sportifs extrêmes et pas les grands. Marcher. Grimper. Grimper encore. Toujours plus haut. Et après. On est content parce qu'on fait de la compétition. Et par là même, on est content d'ouvrir des voies. Et... Ouvrir une voie, ça veut dire quoi, Pierre Mazot ? Ben, ouvrir une voie, ça veut dire aller à un endroit où encore personne n'a été. Voilà. Donc c'est quoi ? C'est être un pionnier, un défricheur ? Ça, c'est des grands mots que vous réserverez à d'autres qu'à moi, mais c'est effectivement être le premier. C'est ça qui vous a motivé toutes ces années de montagne ? Non, c'est le plaisir d'être en montagne, parce que j'adore la nature et j'aime bien la montagne, voilà. C'est pas uniquement le fait de faire des premières, mais une fois qu'on fait de la montagne, et qu'on en fait sérieusement, disons, on rentre un petit peu dans le domaine de la compétition internationale et on essaye de faire le plus de choses possible, quoi. L'alpinisme a longtemps été une course à celui qui arriverait le plus haut. Une fois le sommet atteint, on pourrait croire que la compétition est terminée. Mais ça marche pas comme ça. Un alpiniste trouve toujours de nouveaux défis. S'il ne peut pas aller plus haut, il cherchera la voie la plus difficile. Il ira plus vite, en solitaire, sans oxygène. Bref, ça finit jamais. L'Everest a été vaincu en 53 côté népalais, en 78 sans oxygène, 2 ans plus tard en solitaire par le couloir Norton. Là, vous avez une photo de la sortie de l'Everest que nous avons fait en 1978. Et c'est évidemment une joie d'être au plus haut sommet du monde. Tous les alpinistes souhaitent, quand on grimpe dans les Alpes, quand on grimpe dans le massif du Mont-Blanc, dans le massif des Dolomites, on a envie un jour d'aller à l'Himalaya, puisque c'est les plus hauts sommets du monde, puisque c'est là où il y a les 8000. Alors voilà, c'est un peu la logique des choses, bon. De même, quand on a fait des petites collines, un jour on a envie d'aller au Mont Blanc. Enfin, j'imagine que c'est tous les gens qui aiment la montagne ont envie de ça. Pierre Mazot, vous avez aujourd'hui 92 ans. Vous avez été secrétaire d'État au sport. Vous avez été président du Conseil constitutionnel. À quel moment vous avez commencé l'alpinisme ? Oh ben, j'ai commencé. J'étais jeune à Grenoble en grimpant dans les rochers, en allant aux Moucherottes, grimpoter. Au Néron, et puis après j'ai été dans le massif de Belledonne et tout. Et vos parents étaient montagnards ? Mon père faisait beaucoup de montagne, et ma mère en faisait un peu, mais ma mère faisait beaucoup de ski, par contre. Elle était de l'équipe de France de ski, mais B, c'est-à-dire deuxième équipe. Et puis, je suis venu faire mes études supérieures à Paris, mes études de droit, et là j'ai donc été à l'école de Fontainebleau. C'est des sommets de 3-4 mètres, hein, c'est du rocher, c'est du grès, c'est assez difficile et ça nous permettait l'entraînement. Et en plus, après, nous avons été au Saussois, qui est près d'Auxerre, à près de 200 km de Paris, où là, il y a des falaises qui font 80 mètres. Et puis après, on a été à Chamonix, puis on s'est mis à grimper, quoi. Je faisais des conférences, j'étais maître de conférences à la faculté de droit déjà, et je terminais une grande course à Chamonix en 2 jours, le samedi et le dimanche, et puis je rentrais le dimanche dans la nuit en voiture avec des copains, et le matin je faisais mes conférences à 9h à la faculté, quoi. Bon, ça, mais je l'ai fait beaucoup, j'ai une nature assez solide, ça je dois reconnaître que... Je vous l'ai dit, on aime la montagne, on est content, on est heureux en montagne, on espère que tout se passera bien, on en connaît les risques, les difficultés qu'on rencontre, parce qu'il y a des voies qui sont difficiles, Et puis, bon, l'essentiel, c'est qu'on se fait plaisir. Voilà. Donc, on y retourne. David Le Breton, alors vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages autour du risque, délibéré, passion du risque, conduite à risque. Et je me demandais comment elle était née, cette expression de sport extrême. Cette expression de sport extrême naît dans les années 80, en gros. Je pense que ce thème de l'aventure, de toute façon, déjà en amont dans l'histoire, et de la nouvelle aventure telle qu'elle émerge dans les années 80, est lié à l'individu. Il faut d'abord un individu qui se sente seul face au monde, et non plus un homme, voire une femme, intégré à l'intérieur d'une communauté. Dans l'idée d'aventure, il y a vraiment l'idée d'un affrontement avec les éléments, avec la forêt, avec la mer, avec la montagne, etc. C'est l'aventure telle qu'elle nous a fait rêver quand nous étions enfants, c'est-à-dire les livres de Jack London, Joseph Conrad, etc. Pour moi, c'est vraiment le 19e siècle, disons. Parce que je crois que des gens comme Christophe Colomb, comme Marco Polo, ne se vivaient absolument pas comme des aventuriers, absolument pas comme des explorateurs. C'était des marchands. Ils allaient essayer de trouver de nouvelles formes d'enrichissement personnel. Mais bon, alors ce qui se joue dans les années 80, c'est un autre cran, en quelque sorte, dans l'individualisation du lien social. C'est l'époque où, finalement, les anciennes catégories culturelles, les catégories de classe, les appartenances régionales, etc., tout ça vole en éclats. Et donc, on est davantage, à ce moment-là, des individus seuls devant le monde. On est de moins en moins ensemble, on est de plus en plus côte à côte. Et un certain nombre d'hommes, plus rarement de femmes, vont avoir le désir de s'affronter au monde pour s'évaluer en quelque sorte, savoir qui ils sont, jusqu'où ils peuvent aller, à la limite jusqu'où ils peuvent aller trop loin. Et on verra à ce moment-là l'immense succès médiatique des émissions, par exemple, de Philippe de Dieu le veut, et puis Nicolas Hulot. Dans ces années-là, il est l'animateur de l'émission Ushuaïa, qui est l'une des émissions les plus regardées par les Français. Et puis c'est le moment où d'autres hommes, comme Gérard Dabovine, par exemple, Guy Delage, qui va traverser l'Atlantique à la nage, vont également tirer leur épingle du jeu et s'affirmer comme des individus un peu détachés des autres, quoi, des sur-individus en quelque sorte. Mais en même temps, des sur-individus qui rencontrent un écho social assez important. Une anecdote à cet égard, je me souviens quand j'avais publié Passion du risque, et j'avais été invité par un professeur de philosophie dans un lycée. Et donc, comme j'avais été un peu critique envers Dabovine, je me rappellerai toute ma vie d'une élève qui a levé la main, qui avait l'air complètement désespérée, et qui m'a dit: mais monsieur, Gérard Dabovine, c'est quand même bien un héros. J'ai compris à ce moment-là que j'étais en train d'arracher à ces jeunes une part de rêve qui leur permettait d'exister. Steph Stevenhart, vous êtes une petite gloire locale parce que vous avez fait le two-ways. Le two-ways, c'est la traversée aller-retour de la Manche. C'est bien ça, en 35 heures. Mais oui, à travers le détroit le plus fréquenté au monde, hein, il y a 450 porte-containers qui traversent tous les 24 heures sur 4 routes. On appelle ça les rails, les 2 rails montants et 2 rails descendants. Un porte-container, quand il décide de s'arrêter, par exemple, qui passe devant chez moi et qui décide de décharger à Dunkerque, à 50 km, il coupe ses moteurs en face de chez moi. Et il a 50 km d'inertie, en fait. Pour ralentir. Tellement il y a des tonnages importants. Donc vous imaginez bien, moi, avec ma coquille de noix en plein milieu du détroit, ils ne peuvent pas slalomer. Donc c'est à nous de s'adapter à leur vitesse. Donc déjà de jour, c'est déjà un sacré challenge. Alors imaginez-vous de nuit, quand vous nagez, vous avez un immeuble, un building qui passe à côté de vous. C'est assez angoissant les premières fois. Ça procure une vague énorme. Donc là, sans faire de jeu de mots, on ferme les écoutilles, c'est-à-dire que on essaie de pas respirer, on respire entre les deux vagues. Mais bon, je n'ai plus rien à perdre, je suis au fond du trou. Voilà, c'est mon échappatoire et je mets toute mon énergie dans ce projet, en fait. Alors déjà, je suis pas assez gros. Donc, à l'époque, vous pesez, je crois, 63 kilos, voilà, c'est ça. Donc, à l'époque, vous êtes marathonien. Voilà, je suis marathonien, 63 kilos, et je m'aperçois vite que comme on nage, il faut rappeler nos auditeurs, on nage en maillot de bain. Bonnet, lunettes. On n'a pas le droit aux combinaisons. Donc, au printemps, en Angleterre, c'est quand même assez froid. Et au bout d'une heure, je commence à vraiment avoir froid, en fait. Et là, en fait, quand je regarde un peu tous les nageurs qui m'entourent, ils sont tous quand même bien portants. Voilà, donc il faut accepter de prendre du poids, puis il faut savoir le prendre aussi. Donc on a en Angleterre, on a un régime alimentaire qui est un peu spécial, parce qu'ils mangent beaucoup de bonbons, des jelly babies, des roulés au chocolat ou tout ça, et moi je supportais plus. Et quand je suis rentré en France, et je me suis dit, il faut que quand même je change mon alimentation, je trouve une alternative. Ayant un feedback, enfin une étude que j'ai faite pendant très longtemps, à partir de 13 ans en baie de Somme, sur l'alimentation des phoques. C'est un animal qui doit résister au froid. Quand il fait un voyage, il mange aussi en quantité. On me dit, tiens, je vais commencer à faire pareil. Et donc j'ai commencé à manger mes sardines, mes harengs, mes maquereaux. Et puis en fait, je me suis aperçu que c'était une énergie qui était tout de suite disponible, assimilée très rapidement par l'organisme, et qui me correspondait vraiment très très bien. Alors ce régime alimentaire, finalement, il va vous valoir le surnom de Steve the Seal, Steve le phoque, c'est ça? C'est comme ça que vont vous baptiser les Anglais? Ah, ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit, c'était la première fois qu'ils voyaient un nageur qui mangeait du poisson fumé lors de ses ravitaillements dans cette traversée. Donc je prenais du thé à base de gingembre et du poisson gras. Et une petite banane entre deux. Bertrand Piccard, vous dites, l'homme occidental, à force de rationaliser, a perdu la connexion avec son corps pour devenir un esclave de la pensée. Et oui, vous savez, il y a cette phrase que je trouve terrible de Descartes qui dit « je pense donc je suis ». Pour moi, c'est complètement faux. Si on pense, on n'est pas. Si on pense, on est bloqué dans l'extérieur de soi. On est dans le passé et ça nous déprime, on est dans le futur et ça nous angoisse, on est dans une autre époque et ça nous rend nostalgique, on est avec des autres au lieu d'être avec soi-même, enfin, on est dispersé et dissous dans notre vie. Il ne faut pas penser pour être, il faut ressentir. Et ce que je trouvais extraordinaire avec l'aviation ultralégère, avec le delta acrobatique en particulier, c'est cette manière de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, de retourner le regard de l'extérieur vers l'intérieur. Et quand on prend de la vitesse dans un piqué avant de faire un looping, ben à l'époque, il n'y avait pas d'instrument de bord qui donnait la vitesse. Il fallait entendre siffler les câbles, faseiller la voile, sentir la force du trapèze dans les doigts, puis à savoir à quel moment pousser son trapèze, avec quelle force pour arriver à garder sa vitesse et faire le looping complet. Mais c'est des moments d'intensité, de contact avec soi-même et avec les éléments qui est juste extraordinaire. Donc si je vous entends bien, c'est plus je pense donc je suis, c'est je ressens donc je suis, c'est ça? Absolument. Et là on peut vraiment être. Et on peut être soi-même. Là on ne triche pas. Hein. Steve Simnard, vous êtes transformé en animal marin. Quoi. Complètement, complètement. Petit à petit, ça se fait progressivement en fait. Et je me dis, bon, ben, n'étant pas nageur, j'ai des carences techniques. Ces carences, tu vas les compenser par ton acclimatation à l'élément. Ça va être ça ta force en fait. Certes, tu nages pas vite, mais tu peux rester longtemps dans l'eau. Et c'est ça aussi le secret de la traversée de la Manche, c'est la résistance au froid. Parce que le froid a raison de vous en fait. Il vous anesthésie. Donc ça passe aussi par le quotidien. C'est-à-dire que la douche, maintenant, elle est dehors, avec l'eau du puits. Il n'y a pas de chauffage dans la maison. Je suis en short, t-shirt toute l'année. Oui, c'est d'ailleurs comme ça que vous nous avez reçus. Voilà. Bon, j'ai mis des chaussures pour venir chercher, mais sinon, je suis en tongs. Qu'est-ce que vous apporte le contact avec la mer, avec l'eau, Steve Stevenhart? Qu'est-ce que vous venez y puiser, au-delà de la performance? Ben, y a un côté très rassurant, en fait, dans la mer. Personnellement, moi, je compare ça un peu au liquide amniotique de la maman. Ce côté rassurant, je le retrouve dans la mer, en fait. C'est un besoin viscéral d'être dans l'eau tous les jours, en fait. On oublie tous les maux de la vie, tous les problèmes qu'on peut avoir. J'ai pas de problème dans l'eau, en fait. On n'a pas le poids du corps. On tourne, on roule. On a tendance un peu à l'oublier, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux d'être dans l'eau. Mais quand vous faites une traversée comme ça qui va durer 35 heures, comme ça a été votre cas pour la double traversée de la Manche, comment vous faites pour lutter contre le sommeil? Alors, moi, je m'entraîne. Je suis entraîné pendant des années à ne pas dormir, à me réveiller. Donc, j'ai des projets dans les années à venir où je vais rester 70 heures dans l'eau. Donc, c'est pour ça que je travaille aussi sur ces micro-siestes de 3 minutes dans l'eau pour pouvoir récupérer. Et donc, j'approfondis mes recherches aujourd'hui. Je dévoile un petit peu des études en ce moment, mais j'arrive à dormir dans l'eau, à l'heure où je vous parle, comme vous dormez dans votre lit. Je suis très heureux parce que je suis entouré avec des grands professeurs qui sont vraiment derrière moi dans ce projet qui les anime, le fait que l'humain dort dans l'eau. Gérard Guerrier, alors vous êtes ingénieur, passionné de montagne et de vol libre. Vous avez pratiqué l'aile delta, le ski de pentraide, la plongée profonde. Et vous avez écrit deux ouvrages. Le premier qui s'intitule L'éloge de la peur et le second Du courage. Et l'aventure, alors, comment on pourrait distinguer le sport extrême de l'aventure? Est-ce que le sport extrême est une aventure en soi ou... Ben, pas toujours. En fait, dans l'aventure, il y a deux dimensions. Et là, je reviens à l'ami Jean Kelevich qui dit que pour qu'il y ait aventure, il faut qu'il y ait jeu, c'est-à-dire inconnu, et sérieux. Et sérieux, c'est la présence de la mort, finalement. C'est la possibilité de mourir. Et certains sports dits extrêmes, le jeu est réduit au minimum. Quand, par exemple, Alex Honnold va grimper El Capitan, qu'il a reconnu des dizaines de fois, etc., il va le faire sans aucune assurance. Donc là, on est vraiment dans le sérieux. C'est-à-dire, s'il y a une erreur, il tombe, il est mort. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que la notion de jeu d'inconnu est limitée. Donc, les sports extrêmes sont pas toujours aventureux. Il y a des sports extrêmes qui sont aventureux. Je pense, par exemple, au vol bivouac en parapente, où là, on part, on ne sait pas vraiment encore où on va atterrir, dans quelles conditions, quelles sont les conditions du vent. Donc là, on a à la fois le jeu, donc l'inconnu, et le sérieux. Ben, par exemple, atterrir en parapente à 7000 mètres, je peux vous dire que c'est du sérieux. Si vous vous trompez, vous êtes mort. Est-ce qu'on pourrait convoquer d'autres philosophes? Je sais pas, je pense à Sartre ou à Nietzsche. Ou à... Oui, on peut. Les philosophes adorent l'aventure et les sports extrêmes. Jean-Paul Sartre, c'est la liberté. Hein, c'est l'homme ne naît ni lâche ni héros, il choisit de devenir lâche ou héros, et c'est parce qu'il est libre qu'il a peur. La peur, c'est le prix de la liberté. Un autre philosophe, alors ça c'est le saint patron des sportifs extrêmes, c'est Nietzsche, qui dans le Gai Savoir, je fais simple, mais en gros, si vous voulez bien vivre, il faut vivre dangereusement. Comment vous appréhendez le risque et le danger, Emma Gavaggio? Tous les types d'actions qu'on va pouvoir faire en montagne, que ce soit un saut, une pente ou un saut en base jump, avec le temps, je me suis rendu compte que, sachant que mon physique baissait, forcément mes qualités physiques sont plus basses, je me suis rendu compte que je pouvais compenser tout ça avec la visualisation. Et en fait, c'est super simple et pas fatigant dans le canapé. Et en fait, je visualise mon run de demain. Alors là, je vais passer là, je vais sauter. Là, je vais faire un saut, faut que je l'envoie comme ça. Et en fait, plus je visualise le truc, plus je me sens bien avec, plus en gros j'atténue cet inconnu, cette part d'inconnu et cette peur. Et le lendemain ou le surlendemain, quand je m'apprête à faire mon action, je connais déjà un petit peu tout. Je saute en base jump, je prends une punaise de décharge, bam, j'hurle de joie, je suis dans les airs, je prends de la vitesse, je m'écarte de la paroi, ok, j'ouvre, je me place bien, je dois être bien, bien symétrique dans ma position, je tire, là j'ai une demi-seconde d'attente, mon parachute va monter, mais là tu sais pas s'il y a un petit courant d'air ou si ton pliage a pas été génial, tu vas peut-être avoir un quart ou un demi-tour, t'as 5 centièmes de seconde pour monter les mains, bam, et contrer. Et si ces 5 centièmes de seconde, tu les as pas parce qu'en fait tu es spectateur de ce que tu viens de faire, souvent c'est ça, on est spectateur de ce qu'on vient de faire, du coup on est un peu là, ben là c'est trop tard. Donc il faut juste être capable d'être lucide et à un moment donné, paf, paf, je combat, je suis nickel, je suis vivant, yeah, c'est bon, je l'ai fait. C'est ça qui est cool. Quoi qu'on en dise, quand on parle de tous ces sports, on joue. Pas à jouer avec la mort, ni avec la peur, on joue, on est dans un élément, la neige, on joue. Quand je suis dans les airs et que je fais un saut de Belgium, je joue, je suis un enfant. Et ça c'est bien. Alors le philosophe Vladimir Jankélévitch disait l'aventure c'est un mélange de sérieux et de jeu. Vous êtes d'accord? Ah ben ça, je le connais pas ce monsieur, mais j'irais bien boire une bière avec, il me plaît. Ce rêve d'extrême, donc, qui est porté par ces sportifs ou ces aventuriers ou explorateurs tels qu'ils se présentent, sur quoi il s'ancre, David Le Breton? Je dirais que dans une société très sécurisée comme la nôtre, finalement, le risque devient une valeur de subversion, une forme de résistance, une échappée balle, une tentative d'évasion qui permet d'aller rechercher une intensité d'être qui manque justement dans une société qui se banalise, qui se profane d'une certaine manière. Les éléments du sacré, on dit, je parle pas du religieux, mais ce qui nous arrache un peu à nous-mêmes dans la vie quotidienne, finalement, où aller le chercher? Et effectivement, on comprend que la mise à l'épreuve de soi dans une épreuve physique, sportive, va être une espèce de fabrique d'intensité d'être, d'émerveillement d'exister, qui va attirer bon nombre de nos contemporains qui vivent de manière un peu décevante à leurs yeux. Je pense que d'abord, il y a une insatisfaction personnelle. Il y a le sentiment d'une fadeur, le sentiment d'un ennui dans sa vie quotidienne, de la répétition des mêmes choses, un manque de sens aussi. On a l'impression que le sens, on va le trouver ailleurs. Et là, évidemment, on retrouve la thématique ancienne de l'aventure. Partir et découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Puis aussi découvrir l'homme ou la femme qu'on ignore, qu'on est. Ça émerveille l'existence. Ena Gavaggio, ça fait à peu près 25-30 ans que vous pratiquez le freeride. Il y a bien un moment où vous allez devoir passer à une autre discipline quand même, non? Faire autre chose, non? Vous voyez évoluer dans quoi? Ça... C'est la grande question, je pense, de pas mal de monde. Je pense que quand tu as entamé ta vie ou une carrière autour des bateaux, que tu es navigateur ou alpiniste, tu peux le faire encore très longtemps, parce que c'est des sports d'endurance. Et quand tu es dans des sports un peu plus dynamiques, un peu plus rock, je sais pas. Je sais pas où je vais aller. Ce que je sais, c'est que j'ai reçu mon info-retraite, que j'ai 57 trimestres sur 175, que j'ai 45 balais, que je suis dans la merde et qu'effectivement, il va peut-être falloir que j'arrête de penser au plaisir, mais que je bosse. Mais où, je sais pas. La méditation, peut-être ? Je serai un très mauvais prof de yoga, ça c'est une certitude. Mais non, je vais me diriger... Ça, c'est la grande question. Mais je serai toujours dans les montagnes. C'est risqué ce que tu vas faire. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Pourquoi tu fais ça? Et toi, pourquoi tu tiens tant à me suivre? Une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte. C'est comme ça. Vous savez, en fait, moi j'essaie d'avoir une vie qui est à la fois excitante et utile. Si c'est seulement excitant, c'est égoïste, et si c'est seulement utile, ça devient souvent un peu ennuyeux. Le tour du monde en ballon, Breitling Orbiter 1, 2 et 3, parce que le 1 et le 2 ont échoué, c'est le 3 qui a réussi, c'était le rêve personnel. Je peux écrire une page de l'histoire de l'aéronautique, tous mes héros l'ont fait. J'avais rencontré Charles Lindbergh, rencontré les astronautes du programme américain, Chuck Yeager, tous ces gens-là, le premier qui avait passé le mur du son. C'était mon rêve à moi. Alors, ce qui était beau, c'est que beaucoup de gens l'ont partagé, beaucoup de gens m'ont remercié de montrer que le rêve était encore possible. Mais Solar Impulse, ça, c'était beaucoup plus l'aventure clairement utile. La manière de prouver que les technologies propres, les énergies renouvelables peuvent accomplir des choses a priori impossibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aventure, pour vous, elle doit être tournée vers les autres, elle doit profiter au collectif, c'est ça? Ce que je suis content d'avoir réussi à faire, c'est de concilier ce qui est excitant et ce qui est utile. Nous vivons nos existences aujourd'hui dans un monde dont les limites de sens volent en éclats. Finalement, il y a mille mondes dans le même monde, on ne sait plus très bien sur quel pied danser, l'incertitude est partout, la menace est partout. Donc j'ai l'impression que les sportifs de l'extrême sont des hommes ou des femmes qui opposent leur propre signification au chaos de sens du monde d'aujourd'hui. Donc ce sont des hommes ou des femmes qui trouvent des limites de sens qui leur permettent permettent d'exister, qui leur permettent de se sentir enveloppés et dans un sentiment de sécurité ontologique également, même s'ils payent le prix du danger, évidemment, du fait qu'ils peuvent être balayés par les éléments d'un moment à l'autre. Mais en tous les cas, ils se frayent leur propre chemin, hein, plutôt que d'être dans l'indécision d'un monde, mais qui leur vient de l'extérieur, ils imposent leur propre décision, justement. Et autant, finalement, leur vie quotidienne peut sembler leur échapper, autant quand ils sont dans leur défi personnel, ils ont l'impression de contrôler, de maîtriser ce monde dans un sentiment de toute puissance aussi, évidemment, que la vie quotidienne ne nous donne pas toujours, évidemment. Votre premier exploit, ça va être lequel à vos yeux, Steve Stevenhart? Ça va être quoi, votre premier petit Everest à vous? La première traversée de la Manche qui a marqué l'histoire en Angleterre, parce qu'elle a duré 20h et 55 minutes. On est le 26 septembre 2018. Nous sommes 11 nageurs dans le même cas. C'est vraiment pas le meilleur jour pour tenter une traversée de la Manche, parce qu'il y a de très gros coefficients. Le vent n'est pas forcément bon. Mais je prends le risque. Le départ se donne à 20h30. Et donc, on a eu des conditions assez compliquées la nuit, avec pas mal de houle. Quand on est en pleine nuit, comme ça, dans cette première traversée de la Manche, on espère juste une chose, c'est que le jour se lève, en fait. C'est la pensée qui revient tout le temps, en fait. Combien d'heures il reste avant que le soleil se lève? C'est de sortir de cette angoisse de la nuit, en fait. Il y a des phoques, il y a des requins, la côte anglaise, il y a énormément de requins à peau bleue. Donc voilà, on peut pas lui en vouloir de venir voir ce qui se passe en pleine nuit. On n'a rien à faire là en pleine nuit déjà. Donc lui, dans son élément, il vient goûter. Voilà, ça, il faut arriver à faire abstraction de ça. Donc voilà, j'essaie de passer cette première nuit tant bien que mal. Hein. Donc la journée se passe relativement pas forcément très très bien, parce qu'il y en a, on a beaucoup de mauvais temps. À un moment donné, il y a mon bateau qui commence à mettre les essuie-glaces. Donc quand le bateau met les essuie-glaces, je peux vous dire que ça bouge quand même pas mal, c'est que les vagues passent au-dessus du bateau. Et donc nous, on est à côté et on est vraiment en train de baler d'un côté à l'autre, donc c'est assez compliqué. Et je sens qu'il y a quand même beaucoup de courant, hein, je vois, par rapport à des repères que j'ai au loin, je me dis là on fait de la distance. Et à un moment donné, je vois mon bateau partir. En fait, mon bateau m'a perdu pendant à peu près 10 minutes avec la réverbération du soleil. C'est un moment très angoissant parce que j'approchais de Calais, là où il y a la zone des ferries. Et donc là, ils m'ont récupéré 10 minutes après, mais ça a été un moment très compliqué. Bon, même en ayant les moyens techniques d'aujourd'hui, on arrive à vous perdre. Et à un moment, on arrive sur Calais. Et en fait, sur les 11 au départ, on n'est plus que 3. Donc ça a été une hécatombe. Et là, en fait, le port de Calais vous donne l'autorisation ou pas de traverser cette zone de ferry, qui normalement est interdite. Parce qu'il y a trop de trafic maritime, c'est trop dangereux de passer près d'un ferry, parce qu'on peut se faire aspirer par la propulsion du ferry. Et là, donc, on avance et je vois une digue d'enrochement qui est quand même relativement récente, en fait, parce que j'arrive entre des pelleteuses, on est en plein chantier, en fait. Et j'entends les sirènes, enfin, le bip du camion qui recule de la benne, vous savez. Donc, j'entends, en fait, quand je nage. Et là, j'arrive sur les rochers. Enfin, il me reste 100 mètres des rochers et je me dis, allez, encore 50 mètres, 20 mètres. Et là, t'arrives à ton projet, et voilà, t'arrives au bout. Donc, je monte tant bien que mal sur les rochers qui sont très glissants. Et donc je fais une procédure d'arrivée, on doit lever les bras, tout ça, j'essaie tant bien que mal de faire ça. Et puis je nage pour revenir sur mon bateau, et là, surprise, mon équipe me dit, écoute, ne touche pas le bateau, parce que ta traversée n'est pas validée, il faut que ce soit une plage. Alors, moi, tout bêtement, je pose la question, je me dis, mais elle est où la plage? On sait pas, on va en trouver une. Et là, ils m'ont fait nager une heure de plus pour arriver dans le port, réellement dans le port, et là, ils ont validé ma première traversée de la Manche. Vous êtes dans quel état d'esprit? J'ai réalisé mon rêve. Je sors grandi, en fait, de tout ça. Et il y a tout un engouement qui se met derrière tout ça. Les gens j'ai beaucoup d'amis anglais, hein, nageurs, et qui croient en moi, qui me disent, écoute, c'est super ce que tu viens de faire et tu vas faire des grandes choses. Est-ce que vous diriez, David Le Breton, que le risque permet de se réinventer? La prise de risque? Ah oui, pour moi, c'est une sorte de philosophie des valeurs. Si on choisit la sécurité, on risque la fadeur, on risque l'ennui, on risque la répétition inlassable des mêmes événements. Ce qui fait, à mon avis, le goût de vivre, c'est cette dialectique entre la sécurité et le risque. C'est-à-dire cette capacité que nous avons de nous mettre en question, mais pas dans l'aveuglement. Si je veux escalader à 8000 dans les mois qui viennent en Himalaya, évidemment, d'abord, je vais me poser la question de savoir si je suis capable de le faire. Je vais peu à peu me mettre en condition, etc. Donc, je suis en train, là, d'accentuer mon sentiment d'exister, mon goût de vivre. Je vais me sentir passionnément vivant pendant toute la construction de ce projet. Et puis, j'arrive au sommet et je suis, évidemment, dans la jubilation d'être arrivé. Et je vais entamer ma descente et je vais retourner dans mon hôtel à Katmandou ou ailleurs, mais je vais continuer à être dans l'émerveillement de ce que j'ai fait. Vous voyez, cette dialectique entre la sécurité et le risque est une manière à la fois de protéger ses arrières, une manière de se livrer pour une part au sort, à l'ordali, hein, c'est-à-dire au jugement de Dieu, ou plus exactement au sort, où ça passe ou ça casse, mais en même temps construire les données de sa progression. Hein. Il ne s'agit pas d'être aveugle devant les éléments, il s'agit d'être à la hauteur, d'avoir la dextérité, d'avoir l'intuition des éléments. Et puis, il y a aussi, par rapport aux rêves qu'on peut avoir, cette idée qu'avait énoncée Gaston Bachelard sur un autre registre. Bachelard avait eu cette très belle phrase, la préparation de la fête fait partie intégrante de la fête. Donc quand vous rêvez votre projet, vous êtes déjà dans l'émerveillement, parce que vous imaginez que vous êtes là sur l'océan en train d'affronter une tempête, et puis vous réussissez à la traverser, à passer outre, vous imaginez sur le versant de votre montagne ou autre. L'aventure ou la nouvelle aventure est une manière de se sentir passionnément vivant, passionnément dans le réel, parce qu'il y a ce corps à corps avec le monde, il y a cette hypersensorialité, on voit, on entend, on goûte, on touche de façon extraordinairement intense, on est dans une sorte d'hyper-réalité. Voilà. Et donc je vais emmagasiner beaucoup de traversées dans ces deux premières années en fait, aux États-Unis, à Jersey, beaucoup d'entraînements, c'est-à-dire des gros entraînements, donc 10 heures le samedi où je ne sors pas de l'eau, 10 heures le dimanche, et j'enchaîne les heures comme ça. Et à ce moment-là, j'ai un petit problème, c'est-à-dire que les lunettes, la pression qu'elle exerce, ça c'est très désagréable. Le sel faisant gonfler les yeux, je supporte plus les lunettes au bout de 20 heures. Et là, je sais que je vais nager entre 30 et 40 heures. Il faut impérativement que je trouve une solution. Et la solution que je trouve, c'est j'ai dormi 6 mois avec mes lunettes de nage. Voilà. Donc je les avais la journée pour l'entraînement. Je les enlevais pour manger. Et je les remettais la nuit. Et en fait, ça paraît fou, mais c'est, ça a fonctionné en fait. Et ce qui m'a permis de ne plus avoir ce problème au bout de 35 heures de nage. Puis vous allez continuer à prendre des kilos. Oui, mais là, je prends tous les mois, je prends du poids en fait. Ce qui fait qu'au bout de 4 ans, j'ai pris 47 kilos exactement. Alors vous êtes passé de 63 à 110 kilos, c'est exactement. Ça aujourd'hui pour 1m80. Pour 1m80. Parce que en fait, le bon gras, alors c'est du poids qui est contrôlé avec un diététicien, je me suis vite aperçu que le gras, voilà, c'est un isolant, mais surtout un carburant. Donc pour la petite histoire, lors de ma première traversée de la Manche, j'avais perdu 7 kilos. Et donc là, je me suis dit, sur 35 heures, je vais perdre énormément de poids. Et donc, il faut que j'anticipe, en fait, cette perte de poids. Donc, pour prendre du poids, vous mangez, je crois, 1 kilo de poisson par jour, c'est ça? 1 kilo de poisson gras, alors du hareng, le keeper, hein, le maquereau, la sardine. Voilà, c'est les 3 poissons que je mange quotidiennement. Bon, j'ai pas mal de crustacés aussi. Et vous les mangez crus ou cuits? Non, je les cuis. Bon, quand même. Oui, bien sûr. Non, pas comme le phoque. Non, pas comme le phoque. Je les mange pas par la tête comme ça, directement. Quel sens vous donnez à cette série d'exploits que vous avez accomplis, Steph Stevenard, donc nageur de l'extrême? Vous avez fait la traversée aller-retour de la Manche, vous êtes allé nager dans le lac Baïkal en Sibérie, vous êtes allé traverser l'Hudson à New York et d'autres traversées encore. Quel est le sens de toutes ces actions? Le sens, c'est ce qui m'anime au-delà même de l'exploit sportif à proprement dit. C'est la recherche scientifique, l'adaptation de mon corps à son environnement. C'est ça qui m'anime profondément aujourd'hui. Ça me fascine même. C'est-à-dire que vous étudiez quoi aujourd'hui? On étudie, ça... par exemple, moi qui bois de l'eau aux quatre coins de la planète. Prenez la tasse, quoi. Quand je prends la tasse, mais... Des tasses à répétition. Des tasses à répétition font que je bois beaucoup d'eau. Et dans ces eaux, il y a des bactéries. Il y a aussi des phages. Donc, on étudie ces bactéries, ces bonnes bactéries qui sont en moi, en fait. Et qui servent demain à faire, par exemple, des levures. Voilà. C'est ça qui est fascinant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vivre de votre passion, Steph Stevenhart? Oui, j'ai la chance de vivre de ma passion avec des partenaires qui m'ont accordé leur confiance. Donc ça passe par un sponsor, c'est ça? Voilà, exactement, qui me permet d'avoir un revenu mensuel pour organiser mes expéditions, mes explorations. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir vivre de sa passion au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment d'être allé au bout de vos rêves aujourd'hui, Bertrand Piccard? Non, absolument pas. Vous savez, un explorateur, il n'est jamais satisfait. Un explorateur, c'est quelqu'un qui veut toujours plus, différemment, autrement, qui ne veut pas du statu quo. Donc, l'aventure continue, vous en faites pas. Encore un jour. Un seul. Ça ne sert à rien. C'est terminé. Moi, j'ai des yeux admiratifs pour ceux qui montent des falaises à main nue. Je lui dis, je pourrais jamais faire ça. Puis eux me regardent en me disant, mais moi, je pourrais jamais faire un looping en delta. Et puis, en fait, je crois que c'est pour ça qu'on s'entend tellement bien entre aventuriers ou explorateurs. C'est qu'en fait, on cherche la même chose, mais pas de la même manière. Rêver d'extrême et d'aventure avec Steph Stevenhart, Isabelle Autissier, Bertrand Piccard, Géraldine Fasnacht, Enac Gavaggio, Pierre Mazot, David Le Breton et Gérard Gary. Si tu lis ce mot, c'est que je ne suis pas revenu. Avec des extraits du film Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert. Mais si tu te demandes pourquoi il a fait ça, pourquoi moi je fais ça, la réponse est ailleurs. Prise de son, Christophe Papon et Julien Girard. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervan. Ce qui t'a amené jusqu'ici est aussi ce qui me pousse à grimper. J'ignore ce que c'est. Mais j'ai cessé de me poser la question quand j'ai compris que c'était indispensable. Il y en a qui cherchent un sens à leur vie. Pas moi. Grimper, c'est la seule manière que j'ai de me sentir vivant. Alors je le fais. Jusqu'au bout. Sans regret. Un documentaire de Jérôme Sandelars et Yvon Croisier.